C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. Et le compère Lestucru qui lui a répondu: allez la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Sur l'air du tra-la-la-la, tra-la-la-la, sur l'air du tra des ri des ra et tra-la-la. C'est la mère Michel qui lui a demandé: mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé. Le compère Lestucru qui lui a répondu: donnez une récompense, il vous sera rendu. Sur l'air du tra-la-la-la, tra-la-la-la, sur l'air du tra des rats et tra-la-la. Et la mère Michel lui dit: c'est décidé, si vous rendez mon chat, vous aurez un baiser. Mais le compère Lestucru, qui n'en a pas voulu, lui dit: pour un lapin, votre chat est vendu. Sur l'air du tra-la-la.